Au feu, je fais quoi ? Tu traverses la place et tu prends à droite, la petite rue. Mais non, regarde, c'est un sens interdit. Bon, alors continue tout droit et avant le pont, tu tournes à droite. Je suis le tramway ? Oui, mais reste bien à droite, sinon tu ne pourras pas tourner. Le piéton ! Tu pourrais ralentir. Tu sais que la vitesse est limitée, non ? Ouais, il avait largement le temps de traverser. Et puis, il n'était pas dans les clous. Je trouve que tu conduis bizarrement. Tu n'as jamais eu d'accident ? Non, j'ai mon permis depuis 3 mois, tu sais. Et là, je vais où ? Tu peux commencer à chercher une place pour te garer, on est presque arrivé. Et j'en suis ravie, parce que ta conduite sportive me fait vraiment peur.